De quelle manière payait-on sa complaisance? Frédéric n'y pensa pas. Il commençait même à se réjouir du tête-à-tête lorsqu'un garçon entra. « Madame, quelqu'un vous demande. « Comment? Encore? « Il faut pourtant que je le voie, dit Rosanette. Il en avait soif, besoin. Cette disparition lui semblait une forfaiture, presque une grossièreté. Que voulait-elle donc? N'était-ce pas assez d'avoir outragé Madame Arnoux? Tant pis pour celle-là, du reste. Maintenant, il haïssait toutes les femmes, et des pleurs l'étouffaient, car son amour était méconnu et sa concupiscence trompée. La maréchale rentra et lui présentant Sisi. « J'ai invité monsieur. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Comment donc? Certainement. » Frédéric, avec un sourire de supplicié, fit signe au gentilhomme de s'asseoir. La maréchale se mit à parcourir la carte en s'arrêtant au nom bizarre. Si nous mangeons, je suppose, un turban de lapin à la Richelieu et un pudding à la d'Orléans. Oh, pas d'Orléans! S'écria Sisi, lequel était légitimiste et crut faire un mot. Aimez-vous mieux un turbo à la Chambord? Reprit-elle. Cette politesse choqua Frédéric. La maréchale se décida pour un simple tourne-dos, des écrevisses, des truffes, une salade d'ananas, des sorbets à la vanille. Nous verrons ensuite. Allez toujours. Ah, j'oubliais. Apportez-moi un saucisson. Pas à l'ail. Et elle appelait le garçon, jeune homme, frappait son verre avec son couteau, jetait au plafond la mie de son pain. Elle voulait boire tout de suite du vin de Bourgogne. On n'en prend pas dès le commencement, dit Frédéric. Cela se faisait quelquefois, suivant le vicomte. Eh non, jamais. Si fait, je vous assure. Ah, tu vois? Le regard dont elle accompagna cette phrase signifiait. C'est un homme riche, celui-là. Écoute-le.